Alors là c'est une chanson un peu autobiographique. J'habitais à l'époque dans le 18e arrondissement de Paris et je faisais un peu vive le merci. Merci. Et donc bon, il y avait un petit qui traînait, il s'appelait Félix, ce qu'on appelle communément un jeune délinquant, et donc voilà son histoire. Félix. C'est drôle quand même. Fais gaffe, Félix. Prends garde à toi. Dans la vie, y'a des risques qu'à 12 ans, on prend pas. Tu planques du whisky pour aller au bahut. Et tu fumes du tushy. Tu crois pas qu'il y a de la vue. Toi même avoué, tu crois déjà t'es cramé. J'tiens, Félix, tu vas tomber de haut. On commence par la 8-6 et on finit dans le caniveau. Félix, rentre à la maison. Dépouille les filtres de mes mégots et pour la déchire, t'es déjà un pro. J't'ai revu, Félix, un soir chez moi, c'était sur M6, les voyous, la télé aime ça. Félix, reviens, Félix. Merci, merci pour lui. Petite seconde, hein. Tu m'en laisses un peu.